Chapitre 3. Astronomie. On cherche dans l'histoire du firmament les secondes preuves de l'antiquité du monde et des erreurs de l'écriture. Ainsi les cieux, qui racontent la gloire du Très-Haut à tous les hommes, et dont le langage est entendu de tous les peuples, ne disent rien à l'incrédule. Heureusement, ce ne sont pas les astres qui sont muets, ce sont les athées qui sont sourds. L'astronomie doit sa naissance à des pasteurs. Dans les déserts de la création nouvelle, les premiers humains voyaient se jouer autour d'eux leurs familles et leurs troupeaux. Heureux jusqu'au fond de l'âme, une prévoyance inutile ne détruisait point leur bonheur. Dans le départ des oiseaux de l'automne, ils ne remarquaient point la fuite des années, et la chute des feuilles ne les avertissait que du retour des frimas. Lorsque le coteau prochain avait donné toutes ses herbes à leurs brebis, montés sur leurs chariots couverts de peau avec leurs fils et leurs épouses, ils allaient à travers les bois chercher quelques fleuves ignorés, où la fraîcheur des ombrages et la beauté des solitudes les invitaient à se fixer de nouveau. Mais il fallait une boussole pour se conduire dans ces forêts sans chemin et le long de ces fleuves sans navigateur. On se confia naturellement à la foi des étoiles. On se dirigea sur leur cours. Législateurs et guides, ils réglèrent la tonte des brebis et les migrations lointaines. Chaque famille s'attacha au pas d'une constellation. Chaque astre marchait à la tête d'un troupeau. À mesure que les pasteurs se livraient à ces études, ils découvraient de nouvelles lois. En ce temps-là, Dieu se plaisait à dévoiler les routes du soleil aux habitants des cabanes, et la fable raconta qu'Apollon était descendu chez les bergers. De petites colonnes de briques servaient à conserver le souvenir des observations. Jamais plus grand empire n'eut une histoire plus simple. Avec le même instrument dont il avait percé sa flûte, au pied du même autel où il avait immolé le chevreau premier-né, le pâtre gravait sur un rocher ses immortelles découvertes. Il plaçait ailleurs d'autres témoins de cette pastorale astronomie. Il échangeait d'annales avec le firmament, et, de même qu'il avait écrit les fastes des étoiles parmi ses troupeaux, il écrivait les fastes de ses troupeaux parmi les étoiles. Le soleil, en voyageant, ne se reposa plus que dans les bergeries. Le taureau annonça par ses mugissements le passage du père du jour, et le bélier l'attendit pour le saluer au nom de son maître. On vit au ciel des vierges, des enfants, des épis de blé, des instruments de labourage, des agneaux, et jusqu'aux chiens du berger. La sphère entière devint comme une grande maison rustique, habitée par le pasteur des hommes. Ces beaux jours s'évanouirent. Les hommes en gardèrent une mémoire confuse dans ces histoires de l'âge d'or où l'on trouve le règne des astres mêlé à celui des troupeaux. L'Inde est encore aujourd'hui astronome et pastorale, comme l'Égypte l'était autrefois. Cependant, avec la corruption naquit la propriété, et avec la propriété, la mensuration, second âge de l'astronomie. Mais, par une destinée assez remarquable, ce furent encore les peuples les plus simples qui connurent le mieux le système céleste. Le pasteur du Gange tomba dans des erreurs moins grossières que le savant d'Athènes. On eût dit que la muse de l'astronomie avait retenu un secret penchant pour les bergers, ses premières amours. Durant les longues calamités qui accompagnèrent et qui suivirent la chute de l'Empire romain, les sciences n'eurent d'autre retraite que le sanctuaire de cette église qu'elles profanent aujourd'hui avec tant d'ingratitude. Recueillies dans le silence des cloîtres, elles durent leur salut à ces mêmes solitaires qu'elles affectent maintenant de mépriser. Un moine Bacon, un évêque Albert, un cardinal Cusa ressuscitaient dans leur veille le génie de Dox, de Timocharis, d'Hipparque, de Ptolémée. Protégés par les papes qui donnaient l'exemple au roi, les sciences s'envolèrent enfin de ces lieux sacrés où la religion les avait réchauffés sous ses ailes. L'astronomie renaît de toutes parts. Grégoire XIII réforme le calendrier. Copernic rétablit le système du monde. Tycho Brahe, au haut de sa tour, rappelle la mémoire des antiques observateurs babyloniens. Kepler détermine la forme des orbites planétaires. Mais Dieu confond encore l'orgueil de l'homme en accordant au jeu de l'innocence ce qu'il refuse aux recherches de la philosophie. Des enfants découvrent le télescope. Galilée perfectionne l'instrument nouveau. Alors les chemins de l'immensité s'abrègent. Le génie de l'homme abaisse la hauteur des cieux. Et les astres descendent pour se faire mesurer. Tant de découvertes en annonçaient de plus grandes encore. Et l'on était trop près du sanctuaire de la nature pour qu'on fût longtemps sans y pénétrer. Il ne manquait plus que des méthodes propres à décharger l'esprit des calculs énormes dont il était écrasé. Bientôt Descartes osa transporter au grand tout les lois physiques de notre globe. Et par un de ces traits de génie, dont on compte à peine 4 ou 5 dans l'histoire, il força l'algèbre à s'unir à la géométrie, comme la parole à la pensée. Newton n'eut plus qu'à mettre à l'œuvre les matériaux que tant de mains lui avaient préparés. Mais il le fit en artiste sublime. Et des divers plans sur lesquels il pouvait relever l'édifice des globes, il choisit peut-être le dessein de Dieu. L'esprit connut l'ordre que l'œil admirait. Les balances d'or, qu'Homère et l'écriture donnent au souverain arbitre, lui furent rendues. La comète se soumit. À travers l'immensité, la planète attira la planète. La mer sentit la pression de 2 vastes vaisseaux qui flottent à 1 000 000 de lieues de sa surface. Depuis le soleil jusqu'au moindre atome, tout se maintint dans un admirable équilibre. Il n'y eut plus que le cœur de l'homme qui manqua de contrepoids dans la nature. Qui l'aurait pu penser ? Le moment où l'on découvrit tant de nouvelles preuves de la grandeur et de la sagesse de la Providence, fut celui-là même où l'on ferma davantage les yeux sur la lumière. Non toutefois que ces hommes immortels, Copernic, Tycho Brahe, Kepler, Leibniz, Newton, fussent des athées. Mais leurs successeurs, par une fatalité inexplicable, s'imaginèrent tenir Dieu dans leur creuset et dans leur télescope, parce qu'ils y voyaient quelques-uns des éléments sur lesquels l'intelligence universelle a fondé les mondes. Lorsqu'on a été témoin des jours de notre révolution, lorsqu'on songe que c'est à la vanité du savoir que nous devons presque tous nos malheurs, n'est-on pas tenté de croire que l'homme a été sur le point de périr de nouveau pour avoir porté une seconde fois la main sur le fruit de la science ? Et que ceci nous soit matière de réflexion sur la faute originelle. Les siècles savants ont toujours touché au siècle de destruction. Il nous semble pourtant bien infortuné l'astronome qui passe les nuits à lire dans les astres sans y découvrir le nom de Dieu. Quoi, dans des figures si variées, dans une si grande diversité de caractères, on ne peut trouver les lettres qui suffisent à son nom ? Le problème de la divinité n'est-il point résolu dans le calcul mystérieux de tant de soleils ? Une algèbre aussi brillante ne peut-elle servir à dégager la grande inconnue ? La première objection astronomique que l'on fait au système de Moïse se tire de la sphère céleste. « Comment le monde est-il si nouveau ? » s'écrit-on. « La seule composition de la sphère suppose 1 000 000 d'années. » Aussi est-il vrai que l'astronomie est une des premières sciences que les hommes aient cultivées. M. Bailly prouve que les patriarches avant Noé connaissaient la période de 600 ans, l'année de 365 jours, 5 heures, 51 minutes, 36 secondes. Enfin, qu'ils avaient nommé les 6 jours de la création d'après l'ordre planétaire. Puisque les races primitives étaient déjà si savantes dans l'histoire du ciel, n'est-il pas très probable que les temps écoulés depuis le déluge ont été plus que suffisants pour nous donner le système astronomique tel que nous l'avons aujourd'hui ? Il est impossible, d'ailleurs, de rien prononcer de certain sur le temps nécessaire au développement d'une science. Depuis Copernic jusqu'à Newton, l'astronomie a plus fait de progrès en moins d'un siècle qu'elle n'en avait fait auparavant dans le cours de 3000 ans. On peut comparer les sciences à des régions coupées de plaines et de montagnes. On avance à grands pas dans les premières, mais quand on est parvenu au pied des secondes, on perd un temps infini à découvrir les sentiers et à franchir les sommets d'où l'on descend dans l'autre plaine. Il ne faut donc pas conclure que, puisque l'astronomie est restée 4000 ans dans son âge moyen, elle a dû être des myriades de siècles dans son berceau. Cela contredit tout ce qu'on sait de l'histoire et de la marche de l'esprit humain. La seconde objection se déduit des époques historiques liées aux observations astronomiques des peuples, et en particulier de celles des Chaldéens et des Indiens. Nous répondons, à l'égard des premières, qu'on sait que les 720 000 ans dont ils se vantaient se réduisent à 1903 ans. Quant aux observations des Indiens, celles qui sont appuyées sur des faits incontestables, ne remonte qu'en l'an 3102 avant notre ère. Cette antiquité est sans doute fort grande, mais enfin elle rentre dans des bornes connues. C'est à cette époque que commence la quatrième jogue, ou âge indien. M. Bailly, en dépouillant les trois premiers âges et les réunissant au quatrième, démontre que toute la chronologie des Brahmes se renferme dans un intervalle d'environ 70 siècles. Ce qui s'accorde parfaitement avec la chronologie des Septante. Il prouve jusqu'à l'évidence que les fastes des Égyptiens, des Chaldéens, des Chinois, des Perses, des Indiens se rangent avec exactitude singulière sous les époques de l'écriture. Nous citons d'autant plus volontiers M. Bailly que ce savant est mort victime des principes que nous avons entrepris de combattre. Lorsque cet homme infortuné écrivait à propos d'Hypatia, jeune femme astronome massacrée par les habitants d'Alexandrie, que les modernes épargnent au moins la vie en déchirant la réputation, il ne se doutait guère qu'il serait lui-même une preuve lamentable de la fausseté de son assertion et qu'il renouvellerait l'histoire d'Hypatia. Au reste, tous ces calculs infinis de générations et de siècles que l'on retrouve chez plusieurs peuples, ont leur source dans une faiblesse naturelle au cœur humain. Les hommes qui sentent en eux-mêmes un principe d'immortalité sont comme tout honteux de la brièveté de leur existence. Il leur semble qu'en entassant tombeau sur tombeau, ils cacheront ce vice capital de leur nature, qui est de durer peu, et qu'en ajoutant du néant à du néant, ils parviendront à faire une éternité. Mais ils se trahissent eux-mêmes et découvrent ce qu'ils prétendent dérober, car plus la pyramide funèbre est élevée, plus la statue vivante placée au sommet diminue, et la vie paraît encore bien plus petite quand l'énorme fantôme de la mort l'exauce dans ses bras. Chapitre 4. Histoire naturelle, déluge. L'astronomie n'était donc pas suffisante pour détruire la chronologie de l'écriture. On revient à l'attaquer par l'histoire naturelle. Les uns nous parlent de certaines époques où l'univers entier se rajeunit. Les autres nient les grandes catastrophes du globe telles que le déluge universel. Ils disent « les pluies ne sont que les vapeurs des mers ». Or, toutes les mers ne suffiraient pas pour couvrir la terre à la hauteur dont parlent les écritures. Nous pourrions répondre que raisonner ainsi, c'est aller contre ces mêmes lumières dont on fait tant de bruit. Puisque la chimie moderne nous apprend que l'air peut être transmué en eau, alors quel effroyable déluge! Mais nous renonçons volontiers à ces raisons empruntées des sciences, qui rendent compte de tout à l'esprit, sans rendre compte de rien au cœur. Nous nous contenterons de répondre que pour noyer la partie terrestre du globe, il suffit que l'océan franchisse ses rivages en entraînant l'eau de ses gouffres. D'ailleurs, homme présomptueux, avez-vous pénétré dans les trésors de la grêle? Et connaissez-vous les réservoirs de cet abîme où le Seigneur a puisé la mort au jour de ses vengeances? Soit que Dieu, soulevant le bassin des mers, et verser sur les continents l'océan troublé, soit que, détournant le soleil de sa route, il lui est commandé de se lever sur le pôle avec des signes funestes. Il est certain qu'un affreux déluge a ravagé la terre. En ce temps-là, la race humaine fut presque anéantie. Toutes les querelles des nations finirent, toutes les révolutions cessèrent. Rois, peuples, armées ennemies suspendirent leur haine sanglante et s'embrassèrent, saisis d'une mortelle frayeur. Les temples se remplirent de suppliants qui avaient peut-être renié la divinité toute leur vie. Mais la divinité les renia à son tour, et bientôt on annonça que l'océan tout entier était aussi à la porte des temples. En vain, les mères se sauvèrent avec leurs enfants sur le sommet des montagnes. En vain, l'amant crut trouver un abri pour sa maîtresse, dans la même grotte où il avait trouvé un asile pour ses plaisirs. En vain, les amis disputèrent aux ours effrayés la cime des chênes. L'oiseau même, chassé de branche en branche par le flot toujours croissant, fatigua inutilement ses ailes sur des plaines d'eau sans rivage. Le soleil, qui n'éclairait plus que la mort au travers des nues livides, se montrait terne et violet comme un énorme cadavre noyé dans les cieux. Les volcans s'éteignirent en vomissant de tumultueuses fumées, et un des quatre éléments, le feu, périt avec la lumière. Ce fut alors que le monde se couvrit d'horribles ombres, d'où sortaient d'effrayantes clameurs. Ce fut alors qu'au milieu des humides ténèbres, le reste des êtres vivants, le tigre et l'agneau, l'aigle et la colombe, le reptile et l'insecte, l'homme et la femme, gagnèrent tous ensemble la roche la plus escarpée du globe. L'océan les y suivit, et soulevant autour d'eux sa menaçante immensité, fit disparaître, sous ses solitudes orageuses, le dernier point de la terre. Dieu, ayant accompli sa vengeance, dit aux mers de rentrer dans l'abîme. Mais il voulut imprimer sur ce globe des traces éternelles de son courroux. Les dépouilles de l'éléphant des Indes s'entassèrent dans les régions de la Sibérie. Les coquillages magellaniques vinrent s'enfouir dans les carrières de la France. Des bancs entiers de corps marins s'arrêtèrent au sommet des Alpes, du Taurus et des Cordillères. Et ces montagnes elles-mêmes furent les monuments que Dieu laissa dans les trois mondes pour marquer son triomphe sur les impies. Comme un monarque plante un trophée dans le champ où il a défait ses ennemis. Dieu ne se contenta pas de ces attestations générales de sa colère passée. Sachant combien l'homme perd aisément la mémoire du malheur, il en multiplia les souvenirs dans sa demeure. Le soleil n'est plus pour trône au matin et pour lit au soir que l'élément humide, où il sembla s'éteindre tous les jours, ainsi qu'au temps du déluge. Souvent, les nuages du ciel imitèrent des vagues amoncelées, des sables ou des écueils blanchissants. Sur la terre, les rochers laissèrent tomber des cataractes, la lumière de la lune, les vapeurs blanches du soir couvrirent quelquefois les vallées des apparences d'une nappe d'eau. Il naquit dans les lieux les plus arides des arbres dont les branches affaissées pendirent pesamment vers la terre, comme si elles sortaient encore toutes trempées du sein des ondes. Deux fois par jour, la mère reçut ordre de se lever de nouveau dans son lit et d'envahir ses grèves. Les antres des montagnes conservèrent de sourds bourdonnements et des voix lugubres. La cime des bois présenta l'image d'une mer roulante, et l'océan sembla avoir laissé ses bruits dans la profondeur des forêts.